sur la plage en plein vent. Sur la plage en plein vent, j'ai déchiré les pages d'un poème surgi de mon silence amer. Et j'ai vu s'envoler vers de brillants naufrages, sur des flots soulevés de grands amours sauvages, mes beaux cris emportés par de fuyants orages, comme des papillons tragiques sur la mer.